Chapitre 2. Le ressentiment avait dicté ces paroles au président, et l'événement sembla leur donner raison. Les assiduités de M. Doncière auprès de Gilda, les cadeaux qu'il lui faisait, avaient été remarqués. Puis Gilda était coquette, et se composait un ajustement un peu théâtral, qui lui saillait à ravir, mais qui sentait d'une lieue la bohème et le grill. Les dévotes qui la prenaient en journée s'effarouchèrent et lui firent des remontrances. Gilda s'indigna, mais ses protestations et ses dénégations à l'endroit du président furent regardées comme des preuves de sa faute. Elle n'eût pas nié si fort si elle n'eût point été coupable. On lui fit entendre qu'on cesserait de l'employer. Elle était fière et d'elle-même ne revint plus, ce qui la fit passer pour un monstre d'ingratitude. Ses anciennes protectrices la mirent à l'index et recommandèrent aux autres jeunes filles de ne la plus fréquenter. Dès lors aussi, Gilda se tint à l'écart et ne sortit presque plus. Sa vie retirée lui fut imputée à crime. Que pouvait-elle faire ainsi seule chez elle? Les mauvais propos vont vite. On prétendit que cette fille était retournée au diable, d'où elle venait, et qu'elle s'occupait de magie. La vérité est que la pauvre fille, revenant aux habitudes de toute sa vie, se distrayait avec des cartes et se tirait la bonne aventure. Ceux qui souffrent ont besoin d'espérer, et se fient volontiers aux arrêts du hasard. Elle était malheureuse, regrettait son existence vagabonde, pleurait au souvenir de ses camarades et ne savait comment les retrouver. Elle avait en même temps conçu une vive aversion pour le président. C'était lui qui lui faisait tout ce mal. Si elle l'apercevait, elle le fuyait aussitôt. D'ailleurs, honteuse de se montrer, elle ne se promenait que le soir, et encore à quelques pas de chez elle. Une fois, son grand étonnement, elle vit, en rentrant, un homme étendu devant sa porte. Gilda, qui était brave, le poussa du pied. « Ah, c'est vous, Gilda !» lui dit l'homme d'une voix faible. « Donnez-moi un peu d'eau, je vous en prie. » Elle se baissa et reconnut Jean-Pierre, le visage meurtri et couvert de sang. « Qui vous a donc traité ainsi ? » s'écria-t-elle. « Ce sont eux parce que je leur ai dit que vous étiez une honnête fille. Je sais bien que lorsque vous sortez le soir, ce n'est pas pour courir les amoureux. » Gilda haussa les épaules, fit entrer Jean-Pierre chez elle et lui bassina le visage. Le batelier regardait autour de lui. Cette pièce, la seule dont se composa la maison, avait pour tout ameublement un lit, une table, un escabeau, quelques ustensiles et un fourneau de cuisine, puis un bahut béant où étaient les hardes de la bohémienne. Le jeune homme se laissa penser. Il éprouvait en même temps un sentiment de reconnaissance, tout nouveau pour lui. Ses yeux se fixèrent sur Gilda. « On vous fait la vie dure, » dit-il enfin. « On me l'a faite aussi, à moi. On me l'a fait encore. » Mais si vous avez besoin d'un ami, n'oubliez pas que je suis là. » Gilda ne répondit rien et sourit avec tristesse. Pourtant, elle était heureuse de soigner cet homme, de faire œuvre de femme, de ne plus être aussi seule. Quand Jean-Pierre fut parti, elle courut à ses cartes, qu'elle disposa selon les règles cabalistiques et se mit à les consulter. Depuis ce jour-là, si elle rencontrait Jean-Pierre, elle lui souhaitait le bonjour de loin, et de temps en temps échanger quelques mots avec lui. D'autres fois, lorsqu'un bateau chargé de bois ou de marchandises montait ou descendait la Seine, elle s'accoudait à sa fenêtre. Elle voyait les lourds chevaux de halage, s'arc-boutés sur leurs colliers, en piétinant la rive, les barques des aides de pont se détachaient du bord pour porter des amarres, et Jean-Pierre lui-même, tenant le gouvernail, au passage difficile des arches. Il lui plaisait ainsi, la tête nue, avec sa veste de velours usée et son pantalon bleu, le corps droit, l'attitude assurée, ses rudes mains au timon. Elle lui trouvait un grand air de dignité et de force, et ne regrettait plus ses compagnons, qu'elle n'avait jamais vu que l'œil furtif, courbant l'échine, cauteleux dans leur rapine, obséquieux devant la foule, plus semblable à des renards qu'à des hommes. On peut dire que Jean-Pierre était le véritable enfant du bord de l'eau. On l'avait un matin ramassé sur la berge, enveloppé de quelques haillons et vagissant. Les bateliers et les gens du quai l'avaient adopté. Toutefois, la bonté du peuple réel et sérieuse au fond n'a rien de bien tendre dans la forme. Elle est le plus souvent bourrue, brutale et capricieuse. Jean-Pierre reçut autant de coups que de bons traitements. Tout en lui donnant la soupe et un abri, on ne se gênait pas pour lui faire sentir qu'il n'y avait point droit, pour lui dire qu'il n'était qu'un bâtard, ce qui est encore une grosse injure dans les basses classes. Aussi l'enfant, sevré de caresses, et ne chassant pas si celle qu'il recevait par hasard ne serait point suivie de rebuffades, se replia sur lui-même, devint hargneux et sournois. À 12 ans, c'était un mauvais gars, et un petit braconnier, d'eau douce, couchant à la belle étoile, ou dans les bateaux, relevant la nuit les lignes de fond, ou dévalisant les boutiques de poissons. D'ailleurs très hardi nageur, maniant très bien une barque, et connaissant à merveille la rivière, ses courants, ses remous et ses bancs. Cela le sauva, car il rendait des services à la navigation, et dès qu'il eut l'âge d'homme, on le fit aide-de-pont. Alors il s'amenda quelque peu. Mais n'ayant point de famille, il choisit surtout pour camarades les mauvais sujets du pays. Fier de sa jeunesse et de son habileté dans sa profession, avec un peu d'argent, il hanta les cabarets, s'y grisant comme pour s'étourdir. Tour à tour taciturne ou querelleur, il ne manquait pas de bon côté, mais on n'eût su par lequel le prendre. Il avait gardé de l'abandon de sa mère un ressentiment caché, et n'aimait pas les femmes. Il les évitait, et elle disait de lui, bien qu'il fût assez beau garçon, qu'il n'était bon qu'à l'ivrognerie et aux bagarres. Sa rencontre avec Gilda fut le grand événement de sa vie. C'était la première fois qu'il protégeait quelqu'un, qu'on le remerciait avec des yeux mouillés et une douce voix. Il la voyait toujours marchant derrière ce cercueil qu'il avait porté avec le fossoyeur. Il sentait encore la jeune fille, et lui, plus d'un point de rapprochement. Elle était comme lui seul au monde, en butte aux poursuites, aux dédains, dont lui-même se croyait souvent la victime. Mais il se jugeait plus fort qu'elle, plus en état de supporter la lutte, et tout remué de sentiments et d'émotions qu'il ne se soupçonnait pas, il cherchait les moyens de lui plaire et, le cas échéant, de veiller sur elle. Cependant, l'hiver était venu, et il faisait grand froid. Les gens du bord de l'eau souffraient beaucoup. Par intervalles, il fallait interrompre la navigation de la Seine. Lors même qu'elle était possible, les glaçons encore attachés aux arches des ponts et ceux qui flottaient avec le courant la rendaient extrêmement pénible. Les amarres se raidissaient sous le coupaient les mains des bateliers ou s'engageaient dans les anfractuosités du rivage. Les aides de pont entraient alors jusqu'à mi-jambe dans le fleuve glacé. Ce rude travail ne se terminait qu'à la fin du jour, reprenait parfois dans la nuit. Mais la plupart des bateliers, en rentrant chez eux, trouvaient le feu allumé, la soupe chaude, la ménagère attentive, les enfants joyeux. Seul Jean-Pierre n'avait au retour aucun visage qui lui sourit, aucune de ces aises d'intérieur qui font oublier la fatigue. Nul ne lui rendait sa pauvreté moins rude en la partageant. Le plus souvent, il s'arrêtait au cabaret pour y manger un morceau et y boire un coup de vin. Aussi n'avait-il plus qu'à se jeter sur son grabat. Ses réflexions étaient amères et tristes. Où le conduirait la dure vie qu'il menait? À recommencer le lendemain ce qu'il avait fait la veille? Il s'étonna que ses idées lui vinssent. Il avait vécu jusqu'alors dans une si complète insouciance. La misère et la pauvreté étaient depuis si longtemps des compagnes et dont il s'arrangeait presque. Puis, sans y prendre garde, la chambre, noire et nue, s'en éclairait vivement, comme un homme de sa classe, mais avec un certain attendrissement, un sort plus heureux. Il se disait qu'il ne serait plus seul. Puis, il s'affligeait. Cette femme-là ne voudrait jamais de lui. Elle était trop délicate et trop mignonne. Il maugrait bientôt, s'agitait sur sa couche. Et de guerre lasse, s'endormait. Un soir qu'il venait de rentrer et d'allumer sa chandelle, il aperçut sur sa table un pain blanc, une bouteille de vin et de la viande froide. C'était si extraordinaire qu'il crut d'abord avoir mal vu. D'où lui arrivait ce repas? Il ne chercha pas longtemps, et presque tout de suite accusa Gilda. Il n'y avait qu'elle qui pût s'intéresser à lui, mais il rougit de honte et de colère. Elle le méprisait donc bien qu'elle s'imaginât de le nourrir. Dieu merci, si l'ouvrage manquait parfois, il n'avait du moins jamais demandé son pain à personne. D'un premier mouvement, il s'élança hors de chez lui, et courut dans la nuit, sous la neige, qui tombait, à la demeure de la jeune fille. Le volet était fermé, mais à travers les fentes du bois, on distinguait de la lumière. Gilda n'était donc point couchée. Elle attendait peut-être. Jean-Pierre eut quelques secondes d'indécision et frappa. Gilda demanda qui était là, ouvrit le volet et dit d'une voix douce et calme. « C'est donc vous, Jean-Pierre. Que me voulez-vous ? » Il resta sans répondre, tête nue, la regardant, l'admirant. « Il ne faut pas, reprit-elle, rester dehors par un si vilain temps. Si vous voulez me parler, entrez. » Il gravit les trois marches de pierre au-dessous de la porte, pendant que Gilda faisait basculer la barre de bois qui servait de fermeture. Le cœur du jeune homme battait avec force. Il entra. C'était la seconde fois que Gilda le recevait chez elle. La petite chambre blanchie à la chaux lui parut embellie. Il y avait dans un vieux pot, entouré de lierre de pâles marguerites d'hiver, et une grosse brassée de sarments et de feuilles, sèches, flambait joyeusement et répandait une clarté vive. « Eh bien, qu'est-ce, Jean-Pierre ? » dit Gilda, voyant qu'il ne parlait pas. « C'est vous, répondit-il, qui avez mis chez moi ce que j'y ai trouvé. » Elle ne s'informa point de ce que ce pouvait être, et dit gravement « Oui, c'est moi. » Il voulut se fâcher, mais il ne put que balbutier. « Et pourquoi avez-vous fait cela ? Parce qu'il faut que vous repreniez des forces, à la fin de la journée. Vous êtes aussi pauvre que moi, fit-il, je ne veux pas accepter. »« Je ne suis pas pauvre, répliqua-t-elle avec fierté, et je fais ce qui me plaît. » Elle s'en fut à un coin de la chambre, y fouilla la terre et revint avec une bourse en cuir. « Voyez, dit-elle. » Il y avait bien dans cette bourse 200 francs, en pièces de monnaie de toutes sortes. Jean-Pierre évalua vite ce trésor. Certes, il n'avait jamais eu tant d'argent à lui, mais il savait aussi qu'une telle somme n'est pas la richesse. « Vous n'avez point trop de cela pour vous, » dit-il. « Les mauvais jours sont nombreux, et les bons sont rares. »« Je dépense si peu pour moi, » fit Gilda. « C'est égal, je vous coûterai trop cher. Gardez cet argent, » continua-t-il, « brusquement, gardez-le. » Elle devint triste. « Alors, c'est bien, vous ne voulez point que je fasse rien pour vous ?»« Non, répondit le jeune homme, tout ému. Mais, foi de Jean-Pierre, je vous revaudrai cela. » Il partit avec des idées confuses, avec l'âpre volonté de n'être point ingrat. Dès lors, il changeait tout à fait sa manière de vivre. Il ne fut plus ivrogne ni querelleur, et se livrait à son labeur d'aide de pont, avec une intrépidité sombre, infatigable. Jean-Pierre eut un corps de fer, une âme toujours vaillante. Il se coupait les jambes au glaçon, veillait la nuit, soutenait sur la berge gelée et glissante les chevaux de halage. On le paya plus cher, mais il ne dépensa rien de son argent. Il avait déserté le cabaret et se nourrissait de pain noir. Quelquefois, il trouvait à son logis des provisions apportées par Gilda. Il ne les refusait plus, mais, tout rêveur ces soirs-là, il mangeait avec moins d'appétit que les jours ordinaires. De loin en loin, à la tombée de la nuit, il allait voir la jeune fille, lui demandait de ses nouvelles, la contemplait longuement et s'en retournait satisfait. Toutefois, il n'était pas plus que naguère communicatif avec ses compagnons. Il les avait en une sorte de dédain et se les aliénait par sa taciturnité et sa réserve. Il les humiliait de sa force physique, de sa supériorité dans le métier. Ce qu'il ne savait pas faire, il le faisait vite et bien, avec ostentation. Aussi les bateliers, étonnés de son changement de vie, l'espionnait-il. Mais Jean-Pierre prenait un soin extrême à les dérouter. Il cachait avec le plus grand mystère sa passion pour Gilda, et restait impénétrable si on parlait de la jeune fille. Cela au surplus arrivait rarement. En hiver, les gens du bas peuple retournent promptement chez eux, et n'ont pas le temps de s'occuper les uns des autres. Gilda, qui ne sortait jamais et que personne ne voyait, était fort tranquillement oubliée de tout le monde. Au printemps, quand les beaux arbres du bord de la Seine et des îles se couvrirent de feuilles, lorsque l'eau du fleuve, redevenue limpide et bleue, se plissa sous des brises douces et tièdes, que les mariniers n'eurent plus qu'à se laisser dériver au courant pour porter nonchalamment les amarres, Jean-Pierre se sentit plus tourmenté et plus inquiet qu'aux jours les plus froids et les plus pénibles. Il restait de longues heures dans une hésitation rêveuse, remettant chaque soir au lendemain le grand projet qu'il méditait. Un matin, enfin, il se décida. Après avoir revêtu ses plus beaux habits, il se rendit chez Gilda et lui demanda d'être sa femme. Elle l'accepta comme il s'offrait, avec le parti pris de la passion et de l'attente. Ces deux êtres à demi sauvages, presque hors la loi, comprenaient d'instinct qu'ils devraient s'appartenir l'un à l'autre. Ils s'apportaient une dot égale, Jean-Pierre ayant gagné 200 francs pendant l'hiver. Mais il ne songeait point à cela. Il pensait qu'unis de travail, de privation et de bonne volonté, il serait toujours assez riche. Cet humble mariage était destiné à faire du bruit. Le curé, on ne sait pourquoi, n'y consentit pas sans difficulté. Peut-être, malgré la première communion de Gilda, s'obstinait-il à ne pas la croire assez bonne catholique. Il n'augurait rien de bon d'elle et de Jean-Pierre, et ne s'en cachait pas. Ce fut un sujet de conversation pour la société de Brémond. On plaisanta quelque peu le président, en affectant de croire que ce mariage était son œuvre. M. Doncière, qui n'avait jamais complètement oublié Gilda, éprouva de la surprise et du dépit, mais par amour propre ne se défendit pas trop de s'être intéressé aux jeunes gens. Parmi les habitants du bord de l'eau, ce fut une émotion générale. On savait donc enfin le grand secret de Jean-Pierre. Il était amoureux de la Zingara et l'épousait. Ce vagabond orgueilleux et brutal était bien digne de cette fille de grand chemin. Les fiancés ne se doutaient de rien. Ils vivaient dans les joies enfantines de leur amour. Mais le jour du mariage, bien qu'ils n'eussent invité personne, il eut une grande affluence à l'église. Ils se virent exposés aux regards curieux et hostiles de tous. Ils s'en allèrent, la main dans la main, hardiment en apparence, mais le cœur sourdement agité de colère et de haine. Que leur voulait donc cette foule, à qui ils n'eussent demandé que de les laisser en paix? Peu s'en fallut le soir qu'on ne leur donnât un charivari. Les meneurs reculèrent un moment décisif. Ils avaient peur de Jean-Pierre. De fait, pendant que Gilda restait à la maison et s'occupait du ménage, Jean-Pierre devint parmi ses compagnons de travail l'objet de railleries insolentes et mal dissimulées. Il affectait de ne pas les entendre, mais les ressentait vivement. Dans sa droiture de cœur, il ne comprenait point ces insultes, qui s'adressaient à sa femme autant et plus qu'à lui. Que reprochait-on à Gilda? D'avoir été une pauvre fille abandonnée et d'avoir rencontré un protecteur? Il s'aperçut bientôt qu'on lui reprochait autre chose. Le nom du président se mêlait à celui de la jeune femme. Mais si Jean-Pierre s'approchait, on se taisait. Dès lors, d'affreux soupçons lui vinrent, que l'affection et les caresses de Gilda ne purent dissiper. Il ne disait rien et vivait dans une irritation farouche qui cherchait l'occasion d'éclater. Un jour qu'il s'était avancé sans être vu, un des bateliers mit, en l'apercevant, un doigt sur ses lèvres et grommela « Voilà l'honnête mari de la Zingara !» Jean-Pierre, pris d'un subit accès de rage, enleva cet homme dans ses bras et le lança violemment sur le sol. Les camarades du blessé se précipitèrent sur Jean-Pierre, pendant que les femmes jetaient des cris et allaient prévenir le commissaire de police. Celui-ci arrêta Jean-Pierre et le conduisit en prison. Le président Doncières fut bientôt instruit de l'incident, et certaines velléités de séduction à l'endroit de Gilda lui revinrent. L'occasion s'offrait à lui dans des circonstances faciles qui lui plaisaient. Il pouvait en stricte justice faire condamner Jean-Pierre comme prévenu de coups et blessures, ou user d'indulgence à son égard en écartant toute préméditation. Toutefois, dans l'esprit du président, cette indulgence dépendrait de l'empressement que Gilda mettrait à la solliciter, ou de la reconnaissance qu'elle serait prête à lui en témoigner. Il lui dépêcha donc son valet de chambre, Baptiste. Celui-ci s'acquitta de sa mission avec sa désinvolture habituelle, mais au premier mot qu'il prononça, Gilda fixa sur lui un regard si étincelant que le frontin n'osa continuer. Il retourna vers son maître et lui conseilla de laisser là cette aventure, dont il ne fallait espérer rien de bon. Monsieur Doncières, loin d'insister, lâcha pied aussitôt, et même comme ce n'était point un méchant homme, il se piqua de générosité et donna l'ordre d'élargir Jean-Pierre. Malheureusement, cette générosité était intempestive, et personne dans le peuple surtout ne crut au désintéressement du président. Il était peu coutumier de pareils actes quand il y avait une femme en jeu. De plus, les gens du bord de l'eau s'étaient flattés qu'une bonne prison ou qu'une forte amende les vengerait de l'orgueil et des violences de Jean-Pierre. Ils étaient trop frustrés dans leur attente pour ne point se soulever. Ils l'entourèrent donc en nombre à sa sortie de prison et le poursuivirent de huées, le félicitant ironiquement de sa prompte délivrance et d'avoir épousé une femme qui pût lui être aussi utile à l'occasion. Jean-Pierre, fou de honte et de douleur, car cette fois il les croyait, courut chez sa femme et la questionna avec toute la brutalité de sa nature et de sa passion. Gilda demeura impassible. Un étonnement de désespoir et de mépris se peignait seul sur sa figure. La colère de Jean-Pierre s'éteignit dans les larmes. Après avoir menacé le jeune homme, la jeune femme, il se tordit à ses pieds en la suppliant de le rassurer. Elle eut pitié de lui et le baisa au front. Puis elle l'étreignit fortement, avec un indicible transport d'amour et de tristesse. C'était le soir. La nuit était douce et calme, et la lumière de la lune se glissait sous le feuillage des grands arbres. Jean-Pierre et Gilda sortirent. Ils avaient besoin d'air et d'espace pour ramener la paix dans leurs âmes si violemment troublées. Peu à peu, ils s'engourdirent dans un sourd bien-être. Ils marchaient, pressés l'un contre l'autre, muets tous deux, mais se reprochant et se demandant pardon du regard et du geste de s'être fait autant souffrir. Tout à coup, ils rencontrèrent le président, qui avait dirigé sa promenade de ce côté. Monsieur Doncières croyait de bonne foi avoir tout à fait renoncé à Gilda. Il fit aux jeunes gens un petit salut et leur sourit paternellement. Ce fut de sa part une inspiration funeste. Jean-Pierre, mal remis encore de ses soupçons, s'imagina que ce sourire décelait entre sa femme et le président une complicité secrète. Passant par une subite réaction, de la sécurité à une affreuse certitude, il sentit tout sang lui refluer au cœur. Pourtant, il resta maître de lui. Il y avait ces Jean-Pierre de la nature des sauvages, à qui la vengeance se présente immédiate, tout d'une pièce implacable, mais enveloppée d'une dissimulation parfaite. Il était près de sa demeure, il y reconduisit Gilda, puis s'élança sur les traces du président. Le magistrat qu'il rejoignit aux premières maisons de la ville regagna paisiblement son hôtel. Jean-Pierre l'y vit entrer, courut alors à son bateau, où il s'arma d'un aviron cassé, et revint s'embusquer sous le mur du jardin de l'hôtel à une petite porte qui servait, disait-on, aux sorties clandestines du président. Là, il attendit, caché dans l'ombre, se disant que M. Doncière sortirait peut-être. Si ce n'était pas ce soir-là, ce serait un des jours suivants. Il le tuerait donc, tôt ou tard, à coup sûr. Et il s'enfonçait avec une volupté féroce et une sorte d'apaisement dans cette pensée de meurtre. Vers 10 heures, il entendit craquer le sable du jardin sous des pas d'homme et se mit en posture. Un instant après, la porte s'ouvrait, et un homme, grand, mince, le chapeau rabattu sur les yeux, s'aventurait avec précaution au dehors. Il avait à peine dépassé l'encadrement de la porte que Jean-Pierre, de son aviron brisé, lui asséna un coup terrible sur la tête. L'homme tomba foudroyé sans jeter un cri. Justement, quelques voisins passaient avec ses petites lanternes, dont les provinciaux se munissent la nuit. Jean-Pierre les interpella. Il voulait voir sa victime. Il se pencha sur le cadavre et fit aussitôt un mouvement de stupeur. L'homme assassiné n'était que le valet de chambre du président. Les gens qui étaient là, voyant que Jean-Pierre ne bougeait pas, s'emparèrent de lui et appelèrent à l'aide. Le jeune homme, pourtant, n'opposa aucune résistance et se laissa emmener. Les assises allaient s'ouvrir. Le procès de Jean-Pierre s'y instruisit à la hâte, d'une façon presque sinistre. Les juges et les jurés comprenaient que derrière Baptiste mort, le président Doncière était vivant et mis en cause. Il semblait qu'on évitât d'interroger l'accusé, qui d'ailleurs ne se défendait pas et gardait un redoutable silence. Il ne dit qu'un seul mot, sur lequel on ne le pressa point. Il avait manqué son coup, prétendait-il, et se voyait condamné par le sort. Comme le lieu des assises n'était pas loin de Brémont, un grand nombre de personnes s'y étaient rendues. Mais l'assistance était triste, et les gens du bord de l'eau eux-mêmes se taisaient. On devinait que la vraie victime de ce procès était moins celle qui avait succombé que celle qui allait périr. Ce qui surtout glaçait tout le monde, c'était la présence de Gilda dans la salle. Elle se tenait dans un coin, debout, muette, dirigeant ses yeux noirs, tantôt sur Jean-Pierre avec une tendresse infinie, tantôt sur le jury avec un feu sombre. Le président Doncière dut paraître comme témoin. Ses amis s'alarmaient, car ils craignaient que quelque incident ne surgît qui pût le compromettre. Du reste, le président fut visiblement mal à l'aise et chargea Jean-Pierre. Il sentait que le premier soin de cet homme, acquitté ou libre, fût-ce dans 10 ans, serait de le tuer. Aussi peut-être avait-il peur et attendait-il avec impatience un verdict de mort. Jean-Pierre fut enfin condamné. Quand on donna lecture de la sentence, Gilda, qui jusque-là n'avait point articulé une parole, fit 2 pas en avant et tendit son poing fermé vers M. Doncière. « Président maudit, s'écria-t-elle, tu recevras ton châtiment !» Elle sortit ensuite sans difficulté. L'émotion et le trouble étaient si grands qu'on ne songea point à l'arrêter. Quant à Jean-Pierre, qui ne forma point de pourvoi et que personne ne pressa d'en former, il fut exécuté 72 heures plus tard, dans le délai légal.